Spécialiste troll de la provocation, nos amis les frères Latruelle. Donc, Jean Cazot aussi, Jean Cazot dernièrement, depuis qu'il y a eu les niaiseries de David Icke, tout le monde voit des reptiliens puis des dragons partout. Puis il y a eu une grosse mode de régression hypnotique depuis les années 90, puis vu les affaires qui nous viennent d'Angleterre, le monde y voyait des reptiles. Il y a une personne que j'ai connue qui avait payé un prix de fou, qui avait été sur une liste d'attente pour aller subir une régression hypnotique par Internet. Par Internet, ce que je considère comme une arnaque. D'ailleurs, les supposés médiums qui étaient supposés être en état profond d'hypnose, à mes yeux, ne l'étaient pas, là, mais c'est une autre affaire. Puis ça racontait des histoires de transfert d'âmes sur la Lune avec les dracos puis des affaires de main. Là, Jean Cazot, il nous parle, il se livre, il ouvre son cœur sans ménagement, il se met à nu pour nous radoter que dans les années 90, il est allé subir une régression hypnotique, puis c'est là qu'il a eu affaire à un personnage terrifiant qui s'appelle Asroth. Asroth, écrit TH à la fin. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment ça se fait qu'au niveau d'une régression hypnotique, vous avez que ça s'écrit TH. Parce qu'au niveau du français latin, pas besoin du H, ça, c'est dans les langues sémitiques. D'ailleurs, Asroth ressemble étrangement à la contraction d'Astaroth. Et pendant la régression hypnotique, M. Jean Cazot, son personnage Asroth, a dit que Jean Cazot lui appartenait. Jean Cazot appartient à Asroth. D'ailleurs, on s'en a l'air d'un chef de légion au niveau d'un nom de démon. Pourquoi? Parce que TH, c'est le pluriel dans les langues sémitiques. Donc, d'habitude, c'est des à la tête de plusieurs. Là. C'est ça que ça veut dire souvent en go ici. Puis plus tard, Jean Cazot, justement, explique qu'il s'agit d'un chef qui est à la tête de blablabla. C'est lié à l'Atlantide, pas des affaires, puis blablabla. Puis dans le fond, c'est des affaires que ça sert à rien. Puis lui-même, il dit, oh, je le sais que ça ressemble à du cinéma, là, mais je vous jure, j'étais là, là, comme le clavier que l'on avait. Ouais, ouais. Ah oui, à la séance d'hypnose. Mais oui, c'est du cinéma. Ben oui, c'est du cinéma. Ça a la saveur des dernières décennies. Ça a la saveur des dernières décennies. Ça a tout d'un délire. Puis on sait de qui ça vient. Dans le fond, moi, c'est comme ça que je le prends. Mais qu'on m'explique comment ça se fait, qui c'est que ça s'écrit TH? Je veux dire, on est dans des noms de divinités sémitiques, là. Païennes. Je veux dire, Histoire, Astarté, ces affaires-là. Puis d'ailleurs, dès qu'il y en a qui canalisent les, je sais plus trop quoi, là, les gugus de la fraternité intergalactique, ça a tous des vieux noms de démons sémitiques. C'est très étrange. C'est très étrange. Le problème, c'est que pour voir ça, je pense pas que le public a le niveau à son niveau à lui. Hein?